Cartel Prod. Hey, gardez quoi? Wesh le R. Assois, c'est nous, contre la soie. Ça te fait le coq, ça finit aussi vésois. Ça n'a pas de bloquer, t'es prié de s'asseoir. C'est les causes en plus, c'est beaucoup dans son m'asseoir. Ring, ring, ring, le monde en pression. Ring, ring, ring, si y'a un X, c'est fifé. Ring, ring, ring, on s'est gaspouni. Ring, ring, ring, nous sommes à l'occasion des pouces. Pouces, pouces. Mon gars, finance en nous pousse. Pouces, pouces. Continue à nous pas pouces. Pouces, pouces. On monte en ouais, ouais, nous pouces. Assois, c'est nous, contre la soie. Ça te fait le coq, ça finit aussi vésois. Ça n'a pas de bloqué, t'es prié de s'asseoir. C'est les causes en plus, c'est beaucoup dans son m'asseoir. Ring, ring, ring, le monde en pression. Ring, ring, ring, si y'a un X, c'est fifé. Ring, ring, ring, on s'est gaspouni. Ring, ring, ring, nous sommes à l'occasion des pouces. Pouces, pouces. Mon gars, finance en nous pouces. Pouces, pouces. Continue à nous pas pouces. Pouces, pouces. On monte en ouais, ouais, nous pouces. Pouces, pouces. Donc, mais on nous fait comment? Faut pas plaindre. Prod.